sur la route, param-pam-pam-pam. Petit tambour s'en va, param-pam-pam-pam. Il sent son cœur qui bat, param-pam-pam-pam. Au rythme de ses pas, param-pam-pam-pam. Ram-pa-pam-pam, ram-pa-pam-pam. Petit tambour, param-pa-pam-pam. Où vas-tu? Hier mon père, param-pa-pam-pam, a suivi le tambour, param-pa-pam-pam. Le tambour des soldats, param-pam-pam-pam. Alors je vais au ciel, param-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Là je vais donner pour son retour mon tambour. Les anges, param-pam-pam, ont pris leur beau tambour, param-pam-pam, et on dit à l'enfant, param-pam-pam, ton père est de retour, param-pam-pam, ram-pam-pam-pam, ram-pam-pam-pam. Et l'enfant s'éveille, param-pam-pam, sur son tambour. Pam pam sur son tambour, sur son tambour.